trop près par Binet Balmer. Parce qu'il s'était aperçu un jour, et il en resta stupéfait, que sa femme avait l'esprit critique, Raymond abusait de la complaisance de Marie. Qu'une idée de poème, de roman ou de conte germa dans sa pensée, il quittait son cabinet de travail, et cette idée encore informe, il l'exposait à Marie en bafouillant, car ce jeune écrivain, au style si pur, parlait mal et bredouillait. Or, Marie était consciencieuse, franche surtout. Le plus souvent, elle faisait la moue, soit que l'idée lui parût absurde, soit qu'il eût encore, autour de la conception du poète, trop de gangue pour que ses yeux inexpérimentés puissent découvrir le joyau qui en sortirait. Mettons qu'elle approuvait une fois sur cent. Raymond avait de l'abondance, 1000 projets. S'il les avait tous exécutés, sa vie n'y aurait pas suffi. Mais à l'instant où il les concevait, tous lui semblaient admirables, et elle lui paraissait odieuse, cette petite femme qui faisait la moue, qui détruisait par cette moue la confiance dont il avait besoin, qui ne voyait pas le mirage, qui restait là, dans ce fauteuil, les genoux croisés et balançant la tête d'un air de doute. Tandis qu'il lui apportait cette beauté qu'il avait entrevue dans l'atmosphère enfumée de son bureau, cette beauté déjà presque évanouie, et qu'il poursuivait en bafouillant, la sueur au front avec de grands gestes d'enthousiasme, qui devenaient bientôt des gestes de colère, et cela finissait toujours par des injures qu'il lançait à Marie, et toujours Marie répondait « Mais que veux-tu si je n'aime pas ça ?» Il haussait les épaules, frappait du pied, claquait la porte, et peu à peu, le succès étant venu, il se mit à mépriser l'esprit critique de celle qui ne l'admirait pas suffisamment. Toutefois, il ne perdit pas l'habitude d'avoir recours à sa complaisance. C'était vraiment un bon poète. Les images qu'il inventait devenaient tellement puissantes qu'il ne pouvait les garder pour lui. Il sortait comme un fou de son bureau et devant Marie peinait pour exprimer ce qu'il avait senti avec tant de force. Mais la moindre contradiction l'exaspérait et ses colères ne lui valaient rien. Marie en souffrait. Elle avait du bon sens et elle était artiste, c'est-à-dire qu'elle était sensible aux belles œuvres. Mais n'étant pas du métier, elle ne pouvait pas à chaque fois apercevoir l'œuvre terminée et qui l'aurait séduite, dans les discours désordonnés et violents qu'elle subissait avec une grande patience. Mais lorsqu'était terminée l'œuvre qu'elle avait connue dans sa gangue, Marie la voyait mal. L'œuvre n'avait plus pour elle de fraîcheur ni de mystère. Chaque chapitre, chaque poème lui rappelait une querelle. Marie lisait mal pour avoir trop bien écouté. Quand le succès grandit et que ce fut presque la gloire, Raymond prit une conscience peut-être exagérée de ce qu'il valait, et les critiques de Marie, restant aussi précises, aussi aiguës, il s'y déroba. Il y avait autour de lui des complaisants qui se pâmaient au moindre mot. À cette époque, Marie devint jalouse, et non sans cause. Raymond recevait des lettres passionnées, et ses lectrices comprenaient beaucoup mieux que Marie tout ce qu'il avait mis dans ses œuvres. Parfois, il dépouillait ce nombre courrier devant sa femme. Avec un mouvement un peu fade de sa jolie tête et un regard de défi, il lui tendait les plus flatteurs des billets qu'il avait reçus. Toute son expression disait « Tu vois, les autres me comprennent. » Cependant Marie, parce qu'elle était jalouse, relut les livres que les autres comprenaient si bien et elle les aima. Elle essaya d'en parler, mais il se souvenait des observations qu'elle avait faites lorsqu'il avait conçu chacun de ses livres. Il se les rappelait avec un peu de dépit, n'ayant pas vaincu chaque obstacle, et il les lui rappelait avec un peu de méchanceté. Il s'éloignait d'elle, qui n'appartenait pas à son public. Il était pris entièrement par cette grande joie que l'écrivain trouve à toucher, dans la foule qu'il ignore, les inconnus qui se révèlent à lui, soudain, par quelques phrases assez naïves, très sincères, qu'un moment de passion force à décrire, biais anonymes ou signés d'initiales, lettres puériles, perverses ou intelligentes. On cherche à imaginer le visage qui se pencha sur la feuille, la main qui l'effleura. On se moque de soi, parce qu'on est ému, on se dit « ce sont des folles ». Et pourtant, on finit par écrire pour elle, et comme l'on vit pour écrire, c'est pour elle que l'on vit, pour les inconnus. Raymond était assez jeune pour chercher à percer les masques, pour répondre aux postes restantes qu'on lui indiquait. Il eut ainsi plusieurs correspondantes. Certaines lui donnèrent des rendez-vous. Il y alla et fut déçu. Il se blasa et cessa de répondre aux jolies lettres qu'il continuait d'aimer. Un jour, il lut 4 pages d'une écriture qu'il lui sembla reconnaître, et d'un tour si élégant, d'un esprit si fin et à la fois si compréhensif, 4 pages pleines d'une telle sympathie pour ce qu'il avait mis de soi dans ses livres, qu'il fit exception et répondit. L'inconnue fut reconnaissante, et 4 nouvelles pages montrèrent à Raymond que cette femme était allée très loin, très profond dans son œuvre. Elle lui parlait avec intimité, et bien qu'elle ne lui parlât pas d'amour, il cachait à Marie ses lettres, qui après quelques jours devinrent quotidiennes. Il s'émerveillait qu'une étrangère pût le connaître aussi exactement. Il chercha autour de lui, parmi ses amis avoués, l'auteur de ces analyses délicates qui lui permettaient à lui-même de mieux voir la qualité d'émotion qui faisait son talent. Il ne trouva pas. Aucune de ses amies n'avait assez d'esprit. Il supplia qu'on lui donnât un rendez-vous. Un refus un peu triste le découragea, et surtout parce que dans cette lettre de refus, il y avait des banalités. On lui parlait d'inconstance, on disait « Je suis certaine que vous êtes frivole, que vous trompez votre femme et que vous me tromperiez comme elle. » Il ne répondit pas à ces phrases déjà lues. Il affirma qu'il ne s'agissait pas d'amour. Il parla de littérature, commenta son dernier roman et on lui répliqua sur le même ton. Ce fut son meilleur hiver. À 10 heures du matin, avant de se mettre au travail, il lisait sa lettre, écrivait la réponse et tout le jour, il avait l'esprit libre et joyeux. Il ne s'embarrassait pas d'aventure. Jamais il ne fut plus fidèle à Marie. Ce qu'il lui fallait de rêve, l'inconnu le lui donnait. Pour le reste, Marie était belle et au fond, il l'aimait. Pourquoi cela ne dura-t-il pas? Pourquoi ce matin de janvier termina-t-il un chapitre avant 11 heures, lui qui ne quittait jamais sa table de travail avant midi? Pourquoi eut-il envie d'oublier son travail en assistant à la toilette de sa femme? Il entra sans frapper, il était trop distrait pour frapper à une porte. Il entra en coup de vent, fougueux, comme toujours. Et il vit avec stupeur Marie qui écrivait, qui s'arrêtait d'écrire, qui tournait vers lui un visage honteux, qui rougissait, qui cachait de sa main une lettre. Pourquoi s'empara-t-il de cette lettre? C'était la même écriture qu'il lui avait semblé reconnaître. Il lut, c'était le même tour élégant, le même esprit si fin et à la fois si compréhensif, mais cela ne lui fit pas de plaisir. Il dit, c'était toi. Elle se blottit dans ses bras. Elle lui expliqua qu'elle n'avait pas voulu qu'on lui prît sa place. Il l'embrassa tendrement. Il murmura de tendres paroles, des compliments, des remerciements. Il était flatté un peu, mais il conclut. Puisque je sais, tu pourras me dire toutes ces jolies choses. Tu n'auras plus besoin de me les écrire. Et quand il s'entendit prononcer cette phrase, cela lui fit beaucoup de peine. C'était « Trop près » par Binet Balmer.